Une équipe d'astronomes vient de découvrir ce qui ressemble bien à un couple de trous noirs supermassifs tournoyant l'un autour de l'autre comme des danseurs de tango déments. Cette très rare observation peut être effectuée grâce au Wide Field Infrared Survey Explorer, qu'on appelle WISE, un satellite de la NASA. Les observations continuent avec le télescope australien ATCA, Australian Telescope Compact Array, et le Gemini South, au Chili, ont révélé une structure étonnante dans la galaxie haute, comme si le jet de matière de l'un des trous noirs était déformé par le second. Nous pensons que le jet d'un des deux trous noirs est mis en mouvement par l'autre comme une sorte de danse avec des rubans, dit Chao Wei Tsai, l'auteur principal du papier qui décrit cette découverte et qui est publié dans The Astrophysical Journal du 10 décembre. Les deux trous noirs paraissent de fait très liés gravitationnellement. Cette découverte devrait permettre aux astrophysiciens de mieux comprendre comment se forment les trous noirs supermassifs à partir de fusions de trous noirs déjà très massifs. Le satellite WISE avait scanné tout le ciel en infrarouge avant d'être mis en hibernation en 2011. C'est d'ailleurs ce satellite que la NASA a décidé de remettre en service très récemment pour une toute autre recherche, celle visant à trouver des astéroïdes géocroiseurs, qu'on appelle le projet NEO-WISE. Les astrophysiciens se sont donc plongés dans les données de WISE, première époque, pour scruter des millions de trous noirs supermassifs au centre des galaxies jusqu'à ce qu'ils tombent nez à nez avec ce phénomène qui fut donc baptisé WISE J2332-37.05-5056-43.5. Un nom à coucher dehors. Peter Eisenhardt du JPL, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, et qui est responsable de WISE, raconte qu'au début, ils avaient pris cette galaxie aux propriétés si inhabituelles pour une galaxie produisant une quantité considérable d'étoiles à un taux démesuré. Mais, en s'y penchant de plus près, il ne pouvait s'agir en fait que de la spirale sans fond de deux trous noirs géants. Lorsque deux galaxies entrent en collision, ce qui est relativement fréquent, les trous noirs de chacune d'elles se retrouvent inéluctablement attirés l'un sur l'autre, et finissent par former un couple de trous noirs supermassifs qui se tournent autour jusqu'à finir par fusionner pour former un trou noir deux fois plus gros, dans le cas où les deux trous noirs supermassifs initiaux étaient de masse équivalente, bien sûr, ce qui est rarement le cas. La danse macabre débute généralement lentement, quand les deux trous noirs sont séparés de plusieurs dizaines de milliers d'années-lumière. C'est surtout ce type de binaire que l'on parvient à détecter, d'ailleurs. Les deux trous noirs ne cessent alors ensuite de spiraler l'un vers l'autre jusqu'à n'être plus séparés que par quelques années-lumière seulement. Et c'est seulement quelques spécimens de ce genre, des binaires très très resserrés, qui ont jusqu'ici pu être identifiés. Tous situés assez proches de nous. Le problème de ce type d'objet est qu'il est vraiment trop petit pour pouvoir être résolu par nos télescopes, même les meilleurs. Alors, WISE J2332.37.05-5051 fait partie de ces trous noirs supermassifs binaires très resserrés, mais est situé bien plus loin que ses congénères. Celui-là est à 3,8 milliards d'années-lumière de nous. La nature double de cet objet au nom imprononçable a pu être clairement identifiée grâce au radiotélescope australien par la forme en zigzag très très étonnante du jet de matière, totalement anormale. Ensuite, les données dans le visible obtenues par Gemini South ont ensuite confirmé l'anormalité des structures de matière qui entouraient les trous noirs danseurs. Malheureusement, les astrophysiciens ne parviennent pas à déterminer la distance qui sépare le couple, mais on est sûr qu'elle doit être très très faible. La phase finale du tango pour les deux trous noirs supermassifs, c'est la fusion. Eh oui, qui doit en théorie être un événement produisant de très grosses quantités d'ondes gravitationnelles. Des vibrations de l'espace-temps. Ces ondes gravitationnelles sont activement recherchées par les physiciens d'un peu partout dans le monde. Et nul doute que la découverte d'un nouveau couple de trous noirs supermassifs très rapprochés va leur donner un nouvel espoir. Vous pouvez retrouver l'article qui parle de ce phénomène de trous noirs sur le site de Preprint Archive, dont l'adresse est écrite au bas de ce billet, et également à apparaître très bientôt dans The Astrophysical Journal du 10 décembre 2013.